Washington, Tikangana tuna. Washington, Tikangana tuna. Banda Evalia, Muma, Bolingwe, Kenda, Nambo, Kanino. Washington, Mouté, Malanga, Dynamite. Ikonga, déception, épaisse, maladie, sans traitement. Chimiothérapie, sans effet. Eva, praticien, sans succès. Julie, Idoumbe, Diamant et Anverse. Nara komi o mituna kaso ki vraiment amour ezalaka. Nara komi o mituna kaso ki mpenza amour existaka. Kolongola Yesu, kolongola Gandhi. Kolongola Yesu, kolongola Sainte Mère Teresa. Kobango ne ba demontra ba signe ya bolingo. Mabe na nga obimisi na web na internet. Oba internote ya mokili ba navigue ba mona we suka sonye. Brigitte Makanda, zéro photo. Ma chemin de la croix, Jésus. Simon de Surena, Salisaka, Yenga, Natia, Kelly, Kepanayo. Washington, Nana, Mio, comme Missanga, Kourouze. Kourouze, Yabou, Zoto, et comme aussi Langaï. Lokola, Mouwa, la Bibi. Zoto, et comme Yuli, Wangaï. Maya, Moula, Niko, Kouya, Kanama, Bibi. Mama Dida, wapi Nicolette. Maya mvula, ekoko ya kana mabele. Uye mulingo, ekoko ya kana motema. Iza tola kisa yo mulingo na lune memela yo tendresse. Moye memela yo, pasyase na bolingo. Yobi migi yom le konkero ya motema nanga. Oya ki loko la sonzo, salinga mabe. Bunji nanga. Lendisa motema chéri. Popo kate kokoi samana mitambo abamana abuchi. Reina Aminata, bose kangate, nazo meka. Yo moko lomba kioko memangana moko mwe. Tokati sae baleti nangambo yesusu. Toko mana katika chobwa kisinga ye. Na komi o te bate pa sove ta jete. Foto ezanya yo te ma bezali yangaime. Ifale panalia deno na espi ya soso. Babi tete, kanal kina. Yo koki o ye baso ki oza premier amour a motoe. Kasi garantie ko zara kate Washington. Ke oko ya ko zara denir amour a vina ye o. Wapé kwe ko gravi a senti mes a la kate. Vérité a moté ma moto na ma bokwan zame. Toti kaka kolota kole kamona yankongi. Véronique Abinda, mama bébé LS. Na koma ki convaincu ke ozali mo santwe. Potongo nyan son inventaire se a ma berangai. Oyo salinga lelo nanimi kapska pangala. Que Yezu a pota manévre mon an de côté. Yozala ki oloba que Yozali seront Christ. Vérité bimilelo Yozala ki non seront Christ. Marie-Louise Okunji, Marie-Louise Bolumbu. Natangi so imono koya ki zenge. Komo nangote ki angona wenze yamitula. Aka kolinga kole kata tombola. Yo te ki ma prima ngondo na zano ya mpokwe. Na komi o tambo la zero metre na liwaye. Yo komi singa chéri vraiment kota ponaye. Washington, Bunchi. Molokwe Gabel Chiteya. Lili Tezo, Ade Dayoni. Botu Nelanga Washington. Moto mosu somo na mokolo. Mosu pe romo na mokole. Mais mon souvenir a besoin de mon colis. Mais à mi-pessi la bonne. yo moko zui numéro na yo opesiye na benga répondeur na benga répondeur mais changer car numéro ti Mimi Dispi Patricia Lekai Modogo Botekol na yo GG Fula Mambo webi ki mo pa o kano kaka. Il est des jours comme ça. La First Lady Edith Lucie Tito. Mopa au vidi moto na katia bato. Savez-vous que si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Eric Ndala Richard Kabbala, qui bambi chintouana tropicana, l'amour toujours. Laurent Lorenzi. Alain Barakuda. Et soit tes mérites, y'a pour l'ingora. Ami, ami, si. Dis le concours. Chetemba Club Diamant chez Stéphane Moutamba. Thierry le populaire.